Quelqu'un. Il a dit: Abandon, tu as perdu ta valeur. Quelqu'un a dit: Abandon, tu as perdu la valeur. Un espace abondant peut être gagné de valeur avec les temps. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Un espace, un lieu abondant, abandonné, peut être gagné à valeur avec les temps. Est-ce que quelque chose est laissé à l'abandon quand elle perd la valeur? Est-ce que tu peux répéter? Est-ce que quelque chose est laissé à l'abandon quand elle perd la valeur? Est-ce que le Christ a perdu de sa valeur lorsque il a estimé que Dieu l'avait abandonné? Est-ce que le Christ a perdu de sa valeur quand il a estimé que Dieu l'avait abandonné? Est-ce que tu peux répéter encore une fois? Est-ce que le Christ a perdu de sa valeur quand il a estimé que Dieu l'avait abandonné? La valeur de l'abandon réside dans l'estime qu'on a pour celui qui nous a abandonnés. La valeur de l'abandon réside dans l'estime qu'on a pour celui qui nous a abandonnés. La valeur de l'abandon réside dans l'estime qu'on a pour celui qui nous a abandonnés.